Chers amis, bonsoir. Permettez-moi de saluer trois personnes particulièrement sur le plan symbolique. Patricia Ebersweiler, elle était ma professeure il y a très très longtemps dans un lycée agricole qui était cher à mon cœur. Je salue bien sûr Bertrand Hervieux, qui est un de nos maîtres à penser les champs du futur. Et puis, permettez-moi de saluer amicalement un Lorrain qui est de passage à Paris et qui nous rejoint aujourd'hui, le vice-président de la région Lorraine, Daniel Béguin, élu ELV, qui est à nos côtés aujourd'hui. Puis je vous salue tous, surtout vous les militants de ces organisations qui avez réussi à faire ça. Et ça, c'est un très bel objet démocratique. C'est la capacité Salle Colbert, au cœur de l'Assemblée nationale, avec des forces associatives qui sont nos petits bras à tous, ce milieu dont je viens, parce qu'avant d'être élu dans cette belle Assemblée où, Jean-Claude, tu ne dénoterais pas du tout. Hein. On connaît un peu la représentation nationale. Il est largement au niveau, hein. Il n'y a pas de problème. Quoi, hein. Je parle surtout d'un certain côté de l'hémicycle. Ouais, ça. Non mais je dis ça, c'est Jean-Claude et puis toute la bande. Si, moi j'ai bien compris que si je prenais la parole, c'est uniquement parce que on vous avait ouvert la porte, mais c'est surtout Pauline qui l'a fait. Vous savez pourquoi Pauline n'est pas là? C'est en train de préparer le casse-croûte pour la trentaine d'organisateurs pour qui j'ai monté 5-10 kilos de casse-croûte de la ferme, saucisson, fromage, etc. Pour vous offrir un casse-croûte tout à l'heure et continuer nos agapes autour d'un verre pour ceux qui se sentent invités, c'est en face au 101. Donc voilà pourquoi Pauline n'est pas là. Et nous aussi députés, on a gardé la capacité à ranger les chaises et à faire ces choses-là, sinon on n'est plus des représentants du peuple, et pour moi c'est une ligne de conduite impérative. J'ai pas de mal à vous saluer parce que j'ai dû passer dans ma vie militante qui a précédé la vie politique, à peu près dans toutes vos organisations que je connais, du MRJC en passant par la FNJEDA qui est en face de moi et tant d'autres avec qui j'ai fait des bouts de chemin militants et autres, et aujourd'hui vous faites le plaisir de me permettre de conclure ces propos. Je vais d'abord avoir une réaction, c'est par liberté de parole, je vais prendre 3-4 minutes, pas plus, on a l'habitude de la concision, je vais essayer de la tenir, pour dire tout d'abord que je ne peux que m'inscrire en faux contre les propos qui ont été, je les respecte évidemment, hein, qui ont été exprimés tout à l'heure, qui évoquaient 5% des capacités de changement de la PAC. Permettez-moi, je ne suis pas expert, mais d'évaluer que le travail qu'on peut critiquer, et je fais partie de ceux-là, c'est notre liberté critique, hein, mené par le président de la République, mené par notre ministre Stéphane Le Foll, mérite au moins d'être salué comme 51% du chemin qui reste à parcourir pour un équilibre, une justice en matière d'aide PAC. Je le disais tout à l'heure en commission devant le ministre, je ne vais pas avoir un autre discours maintenant, Brigitte, Yves et les autres pourront le dire. Je fais partie de ceux qui pensent que ça aurait pu aller plus vite, plus loin. Ça aurait été plus audacieux, mais je ne laisserai personne dire qu'on n'a pas vécu là une étape historique. Et il suffit d'entendre une seconde, je vous le dis quand même, chers amis, je sais d'où vous venez, votre culture et ce que vous êtes. Imaginez quand même qu'on ne peut pas tenir des propos comme ça aussi sévères avec nous-mêmes. On peut être exigeant, mais pas avoir cette sévérité-là. Pourquoi ? Simplement pour une chose, c'est que écoutez simplement ce que dit la droite face à cette réforme. La droite nous parle de quoi ? Elle nous dit vous portez une atteinte à la compétitivité de l'agriculture française. On évoque sur les 70% de convergence et les 52 premiers hectares à plus 30%, on évoque une politique sociale, voire d'assistanat. Je vais être responsable du groupe socialiste, Brigitte Allain pour le groupe écologiste et André Chassaigne pour le groupe GDR. On va être dans l'affrontement à une droite dure qui ne rêve que de continuer comme avant et d'accentuer les inégalités et de jouer le productivisme et la simplification et la dérégulation. Est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut ? Alors si ce n'est pas ça qu'on veut, il faut admettre qu'on n'a pas fait le chemin. Et ça, je veux bien le dire avec vous. Mais on n'en a pas fait 5%, on a plutôt fait 50%. Et il faudra continuer ce mouvement-là. Et il faut profiter de tout le mouvement qui est engagé maintenant pour pousser notre avantage au maximum. Parce que vous l'avez dit avec beaucoup de cœur, et c'est des sujets que, intrinsèquement, dans mon métier, dans mon engagement militant, dans le territoire où j'ai été élu, j'ai porté avec le même cœur, je pense, que vous, et dans cette intelligence collective qui procède des réseaux militants. Je voudrais vous dire que vous avez redit que la polyculture élevage, aujourd'hui, je vous donne une formule qui me paraît sympathique. Ce qui est à la mode dans la conférence environnementale, c'est l'économie circulaire. Eh bien, la polyculture élevage, c'est de l'économie circulaire, traditionnelle, novatrice, en agriculture. Et il faut la défendre comme telle. Vous avez défendu l'agronomie comme les principes de la compétitivité du futur. Et vous avez redit qu'on ne pouvait pas faire de l'agroécologie. Et vous avez dit qu'on ne pouvait pas faire de la polyculture élevage si on continuait la saignée des paysans et que désormais, le maintien ou l'installation d'un agriculteur devient un facteur de valeur ajoutée et qu'il nous faut absolument en finir avec cette courbe délétère que vous avez si bien décrite dans les intervenants liminaires des chercheurs. Vous avez évoqué la nécessaire résistance aux logiques de simplification oublieuse des externalités de l'agriculture et vous avez rappelé que ce système est mortifère puisque sa seule capacité à maintenir le revenu passe par un partage du gâteau qui se termine par l'élimination de ses voisins pour des agrandissements, et là où les fermes s'agrandissent, mécaniquement. et automatiquement, on l'observe partout, les sols s'appauvrissent et la valeur ajoutée disparaît. Vous avez pointé également, et peut-être pas suffisamment, mais ce n'était pas l'objet de cette réunion, l'importance des marchés dérégulés aujourd'hui, la dérégulation des marchés. Je me rappelle à une université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle, c'était en 2012, Henri Nallet venant écouter les militants socialistes, Germinal Perrault qui n'est pas là et qui vous salue tous amicalement, qui vous accueille avec nous aujourd'hui, responsable de la CNAR, du groupe socialiste pour la partie agricole. Germinal Perrault et Henri Nallet l'écoutaient, ils disaient tout ça c'est formidable, sauf que tous les outils de régulation des marchés qu'on avait dans les années 70, 80, voire 90, ont disparu. Alors comment faire? Et cette question-là de régulation des marchés, j'y reviendrai, est absolument fondamentale avec un phénomène nouveau qui apparaît, qui pour l'instant était freiné par les logiques patrimoniales, qui ont été un formidable facteur de résistance aux mutations mauvaises de l'agriculture, c'est les logiques patrimoniales qui étaient conservatrices du patrimoine familial, qui ne cherchaient pas la valeur ajoutée sur le patrimoine, mais qui cherchaient à le conserver en vue d'en faire un outil de travail qui rémunérait le travail des uns et des autres. Face à tout ça, vous avez identifié les leviers qui étaient des leviers possibles de résistance, de changement. Et je note avec bonheur le travail que vous avez redit des innovateurs. Je voudrais juste, pour illustrer, vous redire deux petites anecdotes qui montrent la force des innovateurs. Je voudrais leur dire, parce que moi je suis particulièrement sensible quand je vois un paysan qui prend une journée pour monter à l'Assemblée nationale, je sais que c'est la journée, il a été remplacé sur sa ferme, qu'il va avoir deux fois plus de boulot le lendemain et qu'il va se lever tôt, etc. Donc je salue les copains paysans qui sont là et qui ont fait un effort particulier pour être là. Je voudrais leur dire que j'ai découvert un prof, un directeur d'exploitation agricole sur un lycée où je suis passé, un lycée agricole de Pixrécourt, qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire en matière d'agroécologie avec des systèmes d'agroforesterie, d'herbager, etc. Et qui raconte son parcours et qui dit que c'est un stage chez Pochon, j'avais fait le même, hein, qui avait changé sa vie et son regard. Et puis un autre type qui se rappelle être passé sur notre ferme où mes quatre associés, hors cadre familial, expliquaient leur militantisme dans le développement local. Et ce type-là, qui était à l'ENSAIA, une école d'ingénieurs, a raconté comment il est devenu agent de développement territorial et qu'il a créé le territoire énergie positive de la vallée de la Drôme. Je voudrais que ce soir, vous repartiez en vous disant que les innovateurs ne sont pas toute la clé du futur, mais sont une des clés du futur. Et que vous êtes dans vos capacités à innover, à coopérer entre vous, dans les ressorts profonds du changement, insuffisants, mais absolument indispensables. Le deuxième élément, c'est que dans les leviers du changement, il y a des cadres budgétaires. Ils n'ont pas assez bougé, on l'a dit. Mais je voudrais vous donner un exemple de résistance devant lequel Stéphane Le Foll a admis devant nous humblement son impuissance. Les mesures agro-environnementales. On a un deuxième pilier qui est plutôt conforté, qui va permettre de faire du boulot. On a un vrai problème, c'est que les systèmes, les approches systémiques qui permettent de faire de la valeur ajoutée, de diminuer les intrants, si elles ne pénalisent pas objectivement le revenu, ne peuvent pas être compensées par la part des aides européennes. Ce mécanisme-là est absolument idiot, c'est-à-dire une bonne pratique sur ta ferme, sur une autre ferme herbagère, etc., si elle ne produit pas un manque à gagner, ne peut pas être compensée par l'Europe. Alors qu'il nous faudrait, par des volontaires, tu es d'accord Daniel, favoriser ces systèmes qui, par leur nature même, leur intelligence même, celle de l'entrepreneur, celle de l'intelligence de la nature mise en scène, etc., permet de dégager des gains par la baisse d'intrants, mais aussi par la valeur ajoutée et la qualité des produits. Ça, c'est une résistance européenne sur laquelle tout ministre de l'Agriculture, avec la majorité la plus motivée qu'on veut, peut à un moment buter. Mais c'est un levier de changement qu'il va nous falloir exploiter. Il y a l'enjeu des régulations mondiales. Et je voudrais quand même qu'on note que c'est dans cette majorité-là et dans ce temps politique-là que nous avons réussi à faire progresser la problématique des paradis fiscaux, le reporting sur la spéculation, la spéculation agroalimentaire. Ce n'est pas un petit sujet. La spéculation de 2012, qui avait provoqué quasiment un équivalent des aides publiques sur la partie céréalière, avait trouvé sa source en partie, certes, sur des dérèglements climatiques, mais également sur une capacité spéculative, qu'aujourd'hui, on a l'obligation, ça c'est le travail qu'on a fait avec les copains, envers et contre tout, et parfois contre Bercy et en forçant Bercy, à bouger pour qu'il y ait du reporting sur l'agroalimentaire dans les grandes multinationales, qu'elles soient d'origine coopérative ou privée. Ça, ce n'est pas des détails, parce que ça, c'est des indices de changement qui, un jour, paieront dans nos capacités à réguler les marchés mondiaux. Et puis, dans les clés du changement, j'en ai cité trois, je citerai la quatrième, c'est celle des territoires. Plus que jamais, la vie territoriale, la vie politique territoriale, qui mêle des sensibilités, qui mêle des personnalités diverses, va changer la donne et autant que les régulations nationales ou internationales va influer sur les modèles agricoles. Nous devons, mieux qu'avant, et c'est peut-être un des échecs, je le dis à Samuel Ferré, dont je suis admirateur du travail qu'il fait en permanence avec PAC 2013, qu'on n'a pas réussi à... J'ai dit quoi ? avec PAC 2013, c'est que on n'a pas peut-être réussi assez à mobiliser l'opinion publique en dehors des cercles militants pour en faire un levier électoral citoyen massif qui accompagne le pouvoir politique et qui lui montre qu'au-delà du résultat des élections à la Chambre d'agriculture qui campait un certain décor, il y avait un autre décor qui était celui des mentalités des contribuables, consommateurs, citoyens, électeurs. Et ça, on l'a peut-être raté et c'est peut-être un rendez-vous pour 2020. Et puis le dernier territoire, je l'ai dit, et j'ai assimilé les deux points, où des citoyens et des consommateurs sont en train de faire un travail formidable. Au moment où je vous parle, j'ai choisi d'être ici pour tenir ma promesse, mais il y a 300-400 personnes qui sont réunies autour de Corinne Lepage, autour de la question des pesticides dans les légumes et les fruits des cantines scolaires dans ma circonscription. Et c'est ma suppléante qui fait la conférence avec sur le thème de changer la donne. Ben, les parents d'élèves qui sont là, un jour, ils exigeront que les fruits et légumes dans les cantines soient avec moins de pesticides, etc. Et ce levier-là, comme président du comité Ecophyto, j'entends le jouer à plein parce que nous sommes sur le levier du consommateur, sur un des leviers importants du changement qui accompagnera vos propres pratiques. Je vais arrêter là sur les leviers en ajoutant juste un auquel Brigitte, Yves et tous les copains qui sont là aujourd'hui. Et notez que j'ai compté une quinzaine de parlementaires qui sont passés une demi-heure, cinq minutes, une heure, deux heures avec vous aujourd'hui. Il n'y a pas que les cinq qui restent aujourd'hui. Donc une quinzaine de parlementaires, et ça c'est une belle réussite, ont entendu votre musique et les messages que vous diffusez. Je voudrais vous dire que sur ce plan-là, au niveau de la loi sur le foncier, nous avons une marge de manœuvre qui est fondamentale dans la loi d'avenir. La loi d'avenir, on entend tout ce qu'on veut. Il n'y a pas assez de choses, ça ne va pas assez fort. Mais écoutez, la loi d'avenir, elle est sortie du gouvernement, de la pensée des conseils généraux de l'agriculture, etc. Elle est maintenant devant le Parlement. Et les parlementaires, nous sommes à votre service. À votre service, à votre écoute, il y aura des auditions. Mais tout votre travail de proposition va pouvoir se manifester dès maintenant. Moi, je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai déjà des rendez-vous jusqu'en janvier, plein avec des propositions qui vont permettre de renforcer. Brigitte a pris l'initiative de monter, et je trouve que c'est certainement le plus décisif, un colloque sur le foncier qui aura lieu au mois de décembre. 19 décembre. Ce sera important que vous... Je te fais de la pub, tu vois. Hein, mais c'est important. Vous voyez la majorité présidentielle, à quel point elle est fraternelle. Hein, c'est pas toujours comme ça. Hein, au contraire. Bon, mais honnêtement, elle a pointé ce qui était important, ma collègue Brigitte Allain. Parce que vous savez, dans la loi, il y a quoi ? Il y a bien sûr des choses sur l'enseignement, pas assez, il faudra y travailler. Mais il y a l'agroécologie, ça Bertrand y connaît bien. Il y a l'installation, tous ceux qui ont travaillé de la conf au CNJA connaissent bien ce qui est en jeu derrière les logiques d'installation. Mais tout ça ne tient pas si on ne tient pas la régulation foncière. Pas d'agroécologie parce que les politiques d'agrandissement iront vers des simplifications qui sont contraires à l'agroécologie. Et pas d'installation si les capacités, les droits de produire sont captés par ceux qui en ont les capacités, dont vous avez parfaitement démontré que tous les leviers de la fiscalité aux aides PAC et tout renforçaient leur capacité à rapace, à acquérir les biens de production aujourd'hui. Donc la régulation foncière, nous le pensons nombreux, nous allons leur dire au ministre demain dans des réunions qui vont réunir nos groupes avec la CNAR, nous le disons en permanence, c'est comme un tabouret aujourd'hui à trois pieds cette loi d'avenir. L'agroécologie, l'installation, je mets l'enseignement un peu à part, hein, l'alimentation agroécologie, vous avez l'installation, mais si le volet foncier est faible, le tabouret se cassera la gueule et ça ne marchera pas. Donc il faut que le volet foncier soit très solide, il faut qu'on ait une véritable capacité à donner aux régions, dans les régions, aux professions dans leur diversité, aux collectivités territoriales, la capacité d'user de cet outil. Si elles ne le font pas, c'est leur responsabilité. Mais le boulot du législateur, c'est d'avoir une loi dure en matière de foncier, parce qu'il s'agit de biens communs et que c'est la réforme mère de toutes les autres réformes en agriculture, nous le savons bien. Oui, nous sommes dans un calendrier politique qui est passionnant, parce que les négociations PAC, elles ne sont pas tout à fait terminées. On a un ministre qui a la manœuvre avec la profession, avec les interprofessions, pour négocier les mesures agro-environnementales, les parts du pilier, l'aide à la vache laitière, autant de choses qui peuvent sensiblement changer la donne aujourd'hui. Donc c'est le moment de faire pression, de faire entendre votre voix, et en cela, cette manifestation en ce moment est tout à fait dans le moment important politique. Et ensuite, cette loi d'avenir, saisissez-la, abondez-la, aidez-nous à la muscler, à la rendre plus innovante et plus forte. Le Parlement s'est fait pour ça et vous êtes le peuple par rapport à vos élus et vous devez faire entendre votre voix et la voix des innovateurs et de ceux qui coopèrent. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous. Et moi, j'ai bien aimé quand, Yves, tu as rappelé que la fiscalité est un levier formidable. Tous les ans, on vote un PLF et même un PLF SES en ce moment, nos collègues sont en train de faire la sécurité sociale avec un volet MSA, avec un volet fiscal. Et c'est vrai que la fiscalité, tout comme la gestion de la précota, sont autant de débats nationaux, en grande partie nationaux, qui sont autant de rendez-vous politiques pour le changement. Autrement dit, on n'est pas, je voudrais vraiment le dire fortement, on n'est pas dans un après-Pâques où on a perdu, c'est foutu. Non, nous sommes déjà, au fur et à mesure, dans cette PAC-là, dans la loi d'avenir, en train de préparer une PAC 2020 qui, oui, je l'espère, rendra aux hommes leur capacité d'entreprise solidairement sur les territoires, donnera la capacité d'avoir des aides environnementales sur des véritables approches systémiques avec des vraies rotations et pas la peau de chagrin qu'on a aujourd'hui, et permettra des régulations grâce au registre d'agriculteurs, grâce à la régulation des aides et de l'accès aux fonciers, qui soit vraiment un autre visage de l'agriculture, celle que vous défendez aujourd'hui. Je termine en disant que, de manière générale, sur le plan agricole, comme sur le plan rural, comme sur le plan de la France et sur le plan politique en général, ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est un récit, la capacité à nous projeter dans l'avenir, d'être dans une démarche d'espérance qui nous projette vers un avenir qui soit enviable et plus humain. Aujourd'hui, on a peu de personnel politique capable de tenir, de provoquer un récit républicain dans lequel nous puissions réunir les énergies et nous projeter pour la génération qui vient. Et il me semble que le cœur de ce qu'ont fait nos amis Jean-Claude, que j'avais rencontré, et j'ai oublié ton prénom, qui travaille dans ce groupe Impact, le cœur de ce que vous faites et que vous ne devez absolument pas maîtriser, c'est que vous êtes en train de travailler sur les indicateurs d'une nouvelle croissance agricole et de nouveaux indicateurs socio-économiques et environnementaux de l'exploitation agricole. Et en cela, vous êtes non pas en train d'écrire un récit, ça serait trop prétentieux, mais vous êtes en train de poser les jalons d'un récit, d'un avenir possible pour une autre agriculture, pour une agriculture plus humaine, plus environnementale, et qui permette de tirer des revenus. Et en ça, vous rejoignez un débat politique passionnant qu'a ouvert Dominique Méda dans un bouquin formidable qui revisite les indicateurs du développement et de la croissance, qui dit qu'aujourd'hui ils sont caduques, qu'il faut en inventer d'autres. Je pense qu'on a besoin d'un récit, d'une boîte à outils, mais dans la boîte à outils, le plus important, c'est la boussole. Et dans votre travail de reformulation des indicateurs, vous êtes des artisans formidables du changement. Je voulais vous dire de garder le courage, l'espérance et la force de votre combat. Merci.